Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, un portrait de Marc Chagall par sa petite fille. Il ne faut pas d'inspiration, il faut travailler simplement. Et c'est le conseil que vous donneriez aux jeunes peintres? Ah, il faut travailler, mais il faut avoir quelques dons quand même. Travailler, mais il faut avoir quelques dons quand même. Marc Chagall, apparemment, avait tout cela. Chagall, l'un des peintres les plus importants du 20e siècle. Chagall, qui nous a laissé tableaux, vitraux, tapisseries. Chagall, dont l'œuvre est associée à tout jamais à l'Opéra Garnier à Paris, au Metropolitan Opera à New York. Chagall, peintre de la couleur, peintre de l'onirisme, peintre du rêve, peintre de l'apesanteur. Mairette Meyer, vous êtes vice-présidente du comité Marc Chagall. Vous êtes l'une des petites filles de Marc Chagall. Merci infiniment d'être passée dans nos studios. Merci, c'est un honneur de vous recevoir. Bonjour, merci à vous. Parlons donc de votre grand-père. Parlez-nous de votre Marc Chagall. Quel genre d'homme était-il? Alors, je crois que cette citation que vous venez de faire partager à tous les auditeurs et me rappeler à moi-même aussi, nous conduit déjà sur une voie très, très importante, car le travail, certainement qu'il a été très, très important, mais ce qui était encore beaucoup plus important pour notre grand-père Marc Chagall, c'est de transformer ce travail en quelque chose qui n'avait plus l'air de travail. Donc, que le travail ne se voit plus. Il se ressente plus, il se voit plus. Et tout devient dématérialisé. Toute matière, tout travail investi devait devenir nuage, ouverture, fenêtre ouverte, air ambiant, transformé en couleur de respiration. Et c'est ça qui, personnellement, m'a toujours incroyablement impressionnée. Quel point tout ce travail investi, parce qu'il travaillait tout le temps, donc on a rarement vu notre grand-père faire la fête. Il retournait à l'atelier. Si on le voyait, c'était pour les vernissages, l'inauguration de l'opéra. Ça, bien sûr, c'était un événement très mémorable. Et c'est sérieux, de fait. Pour lui, l'art est une chose sérieuse. Ouais. En préparant l'émission, je lisais quelque part qu'il disait « Nous sommes tous sur Terre avec une... » et l'artiste, en premier lieu, avec une mission à accomplir. Mm-hmm. Quelle était sa mission comme artiste? Alors bien sûr, cette mission, elle vient d'abord du ciel. Il l'entend comme une mission presque religieuse, étant donné que la représentation de l'image doit être contournée. Donc sa mission première est de trouver une voie, une mission pour pouvoir représenter des images qui ne soient pas interdites, qui soient permises par le ciel, par Dieu, auquel il croit et auquel il est bien entendu voué à croire. C'est pas du tout une voie pour se détacher de sa religion, au contraire d'être accepté par le ciel et de créer toujours un lien entre toutes les sphères, entre le supérieur et l'inférieur, et toute son œuvre tend toujours à lier tous les espaces, que ce soit l'avant, après, le supérieur et le ciel et la terre. Il est comment avec vous? C'est un homme donc qui travaille beaucoup, vous nous le disiez il y a un instant, ce sont les images qui vous viennent tout de suite, grand-papa dans son atelier. Vous avez dit d'ailleurs un jour, il est davantage peintre, il est plus peintre que grand-père. Oui, c'est bien entendu, c'est la première réaction que je peux avoir. C'est pas pour dire que je suis en manque d'un grand-père. C'est tout simplement, si on n'en a pas eu un autre, on a connu que ce peintre grand-père. Et je suis très privilégiée d'avoir connu un grand-père qui était aussi déterminé, qui racontait ses histoires dans ses tableaux avec autant de conviction qui ont conduit vraiment à établir un lien quand je regardais des tableaux chez nous à la maison, comme le marchand de journaux, par exemple, qui était dans notre salon. Il me parlait vraiment, ce personnage, sans avoir eu un arrière-grand-père ou un arrière-grand-oncle. Donc, ce sont vraiment des personnages qui établissent un rapport, une conversation en nous parlant de l'histoire passée et créant un lien avec le présent de l'enfant que j'étais. Et ces couleurs vives, cet onirisme, ce monde du rêve, où je parlais de gravité qui n'existe plus dans les tableaux de votre grand-père, est-ce que vous retrouvez cette fantaisie-là quand vous êtes avec lui, ou sinon c'est dans le travail que se retrouve cet imaginaire qui peut être très séduisant pour un enfant quand on regarde ces tableaux? J'ai le souvenir d'un grand-père qui n'est pas différent du regard que je porte aujourd'hui sur ces tableaux. Donc c'est toujours une alternance entre des couleurs vives, rayonnantes, mais qui sont lumineuses étant donné qu'elles sont construites sur des couches sous-jacentes sombres. Donc il y a toujours la juxtaposition entre deux réalités, entre deux vies, entre deux extrêmes qui font partie de chacun de nous. Et quelque part, c'est vraiment le souvenir que j'ai gardé de lui. Il n'était jamais entièrement joyeux pendant une minute. Il voyait toujours, bien sûr, le verre demi-vide en même temps qu'il le voyait plein une minute avant. Et cette alternance entre le positif et le négatif, entre toutes ces réalités, tout ce qui se compose et qui se complète dans la vie, qui font vraiment que la vie devient de plus en plus riche. L'importance des origines, Merette Meyer, ça va le suivre toute sa vie, Chagall. Son petit village de natal de Russie va être présent tout au cours de son œuvre. Je vous propose de l'entendre et puis on revient sur ce qu'il vous a transmis de ses origines. Ce paysage est trop souvent dans mes tableaux. C'est un défaut, peut-être. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui est entré trop profondément dans l'organisme, comme un microbe. Vous savez, et difficile à débrasser. Ça, je crois que c'est un défaut de ma vie. Je suis trop lié avec l'endroit où je suis né. Comme vous sortez du ventre de la mer, vous pensez à votre mère. La même chose. Mais ça n'a rien à faire avec le patriotisme. C'est simplement des choses terrestres. Voilà, vous êtes né là. Si je serais né au pôle Nord, je serais au pôle Nord. Ou si je serais à Canada, je serais canadien. Il n'y a pas de miracle là-dedans. C'est une chose très naturelle, peut-être pour certains types de gens. Il y en a des types qui s'en foutent de leur endroit où ils sont nés. Ils sont des gens heureux, peut-être. Il a de formidables images en parlant aussi, votre grand-père, Marc Chagall. Et ça je vous voyais écouter cet extrait, ça vous parle beaucoup, ce que vous venez d'entendre. Oui, ça me parle beaucoup, ça me fait aussi énormément sourire, parce qu'il avait aussi un côté un peu acteur, oui. Et en jouant aussi avec ces images. Je pense quand même que cette ville, parce que c'était plutôt une ville d'une taille quand même assez importante, dont la moitié de cette ville de Vitebsk était juive, 60 000 habitants étaient juifs, donc c'était quand même une ville importante avec des liens ferroviaires, plusieurs opéras, des théâtres, une grande gare qui liait Saint-Pétersbourg à Minsk. Donc, ce n'était pas le petit village. Certes, la partie dans laquelle les Chagall étaient voués à habiter et circonscrits à habiter était plutôt un genre de shtetl, ça, certainement. Mais elle faisait partie de... Qu'on verra beaucoup. On voit surtout la silhouette de Vitebsk avec plusieurs cathédrales orthodoxes, des synagogues, le fleuve. Donc c'est vraiment une image importante. certainement que cette ville lui a donné énormément de... C'est pas vraiment un défaut, c'est aussi source de force pour lui. Il puise une énergie qu'il n'aurait pas puisée dans autre chose. Que fait-il en arrivant à Paris, en étant mêlé à toutes les avant-gardes? Il faut bien qu'il garde aussi sa signature, qu'il garde son vocabulaire pictural. Et il réalise très, très rapidement que de mélanger, d'utiliser des éléments iconographiques qu'il connaît, qui sont les siens et qui sont importants pour lui, peut aussi le différencier des autres peintres, et en se nourrissant des mouvements d'avant-garde qu'il a rencontrés à Paris. Et ce passé, ses origines qui sont présentes dans sa peinture toujours, il vous en parle de ça, il s'intéresse, cette Russie va changer énormément quand il sera à Paris, puis à New York, puis à nouveau à Paris, il s'intéresse à l'avenir de la Russie, à la transformation de la Russie, il vous parle de Russie, de ses origines? Alors quand il est décédé, la Russie n'avait pas encore changé comme nous on la connaît aujourd'hui. Il a vu la Russie communiste, par exemple. Et bien sûr, il a vu de loin Staline, heureusement. Oui. Donc il a pu s'échapper au bon moment. Mais il ne nous parlait pas directement de ce qu'il pensait de la Russie, de l'actualité telle qu'il la percevait au moment où il entendait les nouvelles, alors qu'il écoutait les nouvelles, mais il n'en parlait pas vraiment. Il était plus important, quand il nous parlait, qu'on comprenne quels étaient les principes de vie qu'il fallait qu'on suive pour qu'on ait une vie avec une ligne conductrice. Ça, c'était beaucoup plus important pour lui. Le prochain extrait va, je pense, vous faire sourire. Votre grand-père, évidemment, va connaître le succès de son vivant, sera internationalement reconnu, vraiment, Chagall, peintre important du 20e siècle. Il va en profiter, il va connaître ce succès, cette reconnaissance. Écoutez un tout petit extrait. Donc, c'est évidemment les tout débuts. Il est à Paris, il est, je pense, encore à La Ruche. Et il raconte ça dans une entrevue à la télé française en 1967. Mais ce contexte un peu de bohème, cette liberté très grande aussi parce qu'on ne vend pas encore très bien nos tableaux. On ne vendait pas, je trouvais que c'est tout à fait naturel parce que quelque part en moi, il y avait un sentiment que si Dieu garde, je vendrais telle ou telle chose, je serais forcé automatiquement à faire encore la même chose. Donc il valait mieux ne pas vendre. Alors, c'est peut-être mieux de ne pas vendre, de laisser soi-même. Quelque part en moi, c'était... Je voulais avoir l'argent un peu, quand même. Je voulais, mais ce n'est pas possible, je pense que ça va comme ça. Et vous acceptiez parfaitement d'être toute votre vie un peintre qui n'aurait jamais vendu. Absolument. Moi et les autres artistes, nous sommes été tous pauvres en paix. Et tout le monde était très heureux. Mais il vendra beaucoup, Meret Meyer. Il aura un grand succès, une grande reconnaissance. Comment il va composer avec ce succès, avec cette reconnaissance? Comment il va gérer tout ça? Alors d'abord, je n'ai jamais entendu parler de succès. C'est pas quelqu'un qui parle d'argent. La seule chose qui l'intéressait, c'est de poursuivre ses recherches artistique et pictural. D'ailleurs, la prochaine exposition le montrera encore davantage. On voit à quel point, justement aussi pour le plafond de l'opéra, c'est pas tout simplement un plafond qui projette au plafond sur 220 mètres carrés. Pendant des mois et des mois, il travaille sur des esquisses préparatoires, ce qu'il fait pour tous les grands ensembles. Donc, c'est vraiment la recherche, le doute qui le conduit de jour en jour, d'esquisse en esquisse, à revenir sur un trait, à gommer, à recouvrir complètement, à revoir entièrement le dessin. Et ça restera intact jusqu'à la fin. Vous l'entendez, le jeune Chagall, qui vit un peu en bohème, qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui s'inquiète, qui se dit « j'ai une grande liberté, je la perds ». Peut-être, quand la reconnaissance viendra, je répéterai ce que je fais sans cesse. Oui, bon, c'est un enregistrement de 67. On peut imaginer à quel point il devait être inquiet à La Ruche, parce que personne n'achetait ses œuvres. Personne. Donc, je veux dire, comment fait-on pour survivre? Il faut essayer de manger, on fait des échanges, on reçoit un hareng, on fait un échange, on achète, donc pour l'échange du hareng, on reçoit de la fourniture, un peu de matériel pour peindre, on repeint des œuvres, donc il n'y a pas d'abondance. La première œuvre est achetée par Waldner en 14, donc en quittant Paris. Aucune œuvre n'est achetée. Aucune œuvre n'est achetée à Paris. Donc, je veux dire, comment vit-on Et vous avez raison de nous rappeler, effectivement, c'est Chagall qui parle de ses années de jeunesse, mais ce qu'on entend, c'est 1967, avec le recul qu'il a. Le recul, oui. Et je veux dire, c'est pas un artiste, donc je répète, qui parlait de succès. Ouais. Au contraire, quand il y avait la grande exposition, par exemple, en 69 au Grand Palais, qui était un grand hommage qui a eu lieu, la première fois que les œuvres d'Union soviétique étaient présentes dans ce grand hommage, il y avait toujours une critique parmi 100 qui était négative. Il retenait celle qui était négative pour rebondir le lendemain. Justement, ce qui lui permettait de faire autre chose, comme la citation de l'extrait. Donc une obsession qui restera là vraiment présente tout le temps. Une obsession, une nécessité. Une nécessité de trouver vraiment la vérité et l'ultime vérité dans la matière, de pouvoir devenir de plus en plus léger. Vous avez cité avant les vitraux. Bien sûr, chaque technique devient essentielle pour pouvoir comprendre mieux cette matière. Ce ne sont pas les vitraux qui sont la finalité, ce n'est pas la céramique qui est la finalité, ce ne sont pas les sculptures qui sont la finalité, c'est toujours la peinture pour essayer de devenir le plus léger possible et le plus à même dans la pesanteur, pour devenir quelque chose qui devient au toucher une essence qu'on arrive à respirer. La peinture est beaucoup la Bible, la religion. On ne peut pas terminer une émission sur Marc Chagall, Mérette Meyer, sans parler de ce thème incontournable. Un dernier extrait de votre grand-père. Écoutez attentivement. Ah, ça dure pas tout à fait une minute, mais tellement de choses dans ce qu'il nous dit. Je reconnais en général seulement la grande poésie. Je reconnais l'amour. L'amour aussi est une poésie. Et la poésie est l'amour. Je parle seulement de ça. Quand j'étais enfant, j'ai vu des nuages, le ciel et mes pauvres parents. On a étudié comme tout le monde la Bible dans l'école, mais ça, c'était des paroles. Plus tard, quand j'ai reçu une commande de faire la Bible d'Ambroise Vallard, et j'étais en Palestine, et j'ai rencontré ce ciel et cette terre, j'ai compris j'ai trouvé quelque chose que j'ai cherché dans les nuages de ma ville natale, dans les nuages. Ces petites choses étaient la grande poésie, comme il y a une grande poésie dans la musique de Mozart, par exemple. Et cette chose qui s'ajoute à ma vie, c'est une chose énorme. Et absolument pas des éléments soi-disant religieux, exclusivement poétiques, spirituels, une chose qui vous donne le sens de la vie. C'est un peu comme l'amour, que vous êtes marié avec quelqu'un exclusivement par l'amour. Si vous voulez, c'est aussi une chose biblique. Beaucoup, beaucoup de choses donc dans cet extrait. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, cet attachement à la religion? Mais c'est plus que la religion. Il nous le dit, c'est la poésie, c'est la raison de vivre, cette dimension, cette autre dimension. Pourquoi c'est si important pour lui et qu'est-ce que ça représente pour lui, Dieu, la religion? D'abord, il est né dans une famille de religion chassidique, juive chassidique. Le fait de devenir peintre n'est pas du tout, s'inscrit pas du tout dans les coutumes des familles passées et voisines de Vitebsk, alors que bien entendu, il y a des écoles d'art dans lesquelles il va rentrer plus tard. Mais cette religion lui donne justement une structure, une force, comme les caractères hébraïques habitent aussi la page de la Torah. Et lui, il rêve quelque part que ces matières s'envolent et se détachent des supports de la page en papier pour pouvoir partir habiter le ciel et structurer aussi le ciel et donner des messages au ciel qui sera certainement important dans toute la migration. Donc le ciel est important, la reconnaissance de cet amour et de cette force spirituelle dans le ciel devient une force dans laquelle il puise aussi pendant l'immigration en Amérique. La raison pour laquelle il représente toujours aussi Vitebsk, parce que ça devient un soutien quelque part, comme un pilier, comme Samson entre les colonnes du temple pour pouvoir se tenir, alors que la patrie est en train de disparaître et les siens pendant la Deuxième Guerre. Donc c'est toujours cette dimension supérieure, le rêve, l'espoir, la poésie, toujours ça. Oui, mais le rêve, bien sûr, il est constitué de choses, d'éléments factuels, comme justement ces caractères des caractères du texte de la Torah. Mais l'écriture hébraïque, elle est très dansante. Elle est beaucoup moins verticale et horizontale. Il y a beaucoup de courbes et toute sa peinture et les rythmes qui vont s'inscrire dans les compositions sont marqués aussi par cette écriture qui va au-delà des messages de la calligraphie même. Mérette Meyer, vous travaillez maintenant, donc vous êtes vice-présidente de ce comité Marc Chagall. S'il y a une chose par-dessus tout, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne par-dessus tout de votre grand-père, de Marc Chagall, dans ce que vous faites dans ce comité, donc, au quotidien? C'est de reconnaître aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus aucun doute, la grande modernité de Marc Chagall, celui qui est décédé le siècle dernier. Donc on pourrait se dire que notre siècle n'a plus rien à voir ou que Chagall ne nous dit plus rien du tout. Au contraire, c'est vraiment un artiste qui a traversé tout un siècle et peut-être justement par le fait qu'il ait parlé aux nuages qui ont migré, qui ont voyagé comme le juif errant, qui traverse des pays et des cultures, donc des temps, et qui fait les liens entre les religions, qui nous parle avec énormément de liberté pour qu'on comprenne l'importance de ce que c'est la vie en général et de pouvoir en bénéficier de cette richesse. Mérette Meyer, l'une des petites filles de Marc Chagall, vice-présidente du comité Marc Chagall, merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, Mathieu Beauchamp à la réalisation, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, aux archives Mario Bolduc, à la technique Martin Massé. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine.